Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet 94.2 FM. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Laetitia Daffara, dit Laetty des peintures. C'est bien ça ? C'est bien ça. Bonjour Laetitia, comment ça va ? Ça va bien, merci. Voilà, je te remercie tout d'abord de participer à cette émission. Alors, en première partie, comme d'habitude, j'invite les artistes à se présenter, à dire un petit peu qui ils sont dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Alors, qui es-tu ? Que fais-tu, Alors, Laetitia ? Moi, déjà, à la base, je suis infirmière en psychiatrie depuis 22 ans. D'accord. Sinon, j'ai commencé par la chanson. T'étais une chanteuse alors ? Voilà. D'accord. J'étais une chanteuse, déjà fan de Jeanne Masse, ce qui m'a donné envie de chanter. Donc ça nous ramène dans quelles années, ça, fan années de 90. Jeanne... Années 90, donc chanteuse dans les années 90, voilà. Mais t'avais eu un certain succès à l'époque, t'étais quand même... En fait, j'avais fait une maquette de disque et puis pas mal de télé... RTL, Tremplin, et puis les Tréteaux chantants. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait aussi la Claudette avec quelqu'un qui avait un studio et puis qui produisait des sosies. Donc il y avait sosie de Claude François. Et puis. Donc c'est anecdotique, ça, c'est intéressant. Donc toi aujourd'hui, Laetty, t'as fait la Claudette pour un sosie de Claude François. Voilà. D'accord. Et on peut le voir quelque part, ça ou... Non, on a essayé de rechercher dans les anciennes télé, mais c'est trop vieux en fait. Oui, c'était archivé, 90. C'était pas archivé comme on peut faire maintenant. Voilà. Après j'ai toujours été manuelle. Hein, déjà toute petite, je créais des vêtements. Mm-hmm. J'ai fait pas mal de scrapbooking. Mmh. J'ai eu des prix aussi par rapport à des œuvres de scrapbooking. D'accord. Pas mal de bijoux aussi. Donc, si je comprends bien, tu as toujours été un petit peu dans un milieu quand même artistique. Tu as ton métier d'infirmière en psy. Mmh. Et puis, en même temps, tu es une grande créative. Tu crées des objets, scrapbooking, tu fais de la chanson, tu approches un petit peu en même temps les artistes de près, Jeanne Masse notamment. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Jeanne Masse alors ? Eh bien, déjà, j'avais déjà vu quand j'avais 12 ans, lors d'un concert, je l'avais vu après, donc j'avais eu l'occasion de pouvoir discuter avec. Et là, son dernier concert, cette année, en mois de mars, j'ai réussi à la rencontrer. Elle a donc un tableau de ma collection, là, la dernière collection. Et en fait, ça m'a ouvert aussi des pistes aussi par rapport à la chanson. J'ai repris un peu la chanson. Bon, là, je me présente... Ça, on va en reparler dans la deuxième partie. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant pour aujourd'hui de recevoir Laetitia, au moment où on enregistre, on est le 27 mai. Et après-demain, je crois le 29, donc au moment où l'émission sera partagée sur les réseaux sociaux et où elle sera passée sur les ondes radio, cet événement auquel tu t'apprêtes à participer sera déjà passé. Mais là, ce qui est intéressant, Il y en a deux. Il y en a deux, il y a une nouveauté, d'accord, donc tu viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on va avoir ton ressenti, ton appréhension quelque part, avant l'événement qu'on pourra écouter après. Donc, peux-tu nous dire de quels événements il s'agit ? Bon, là, je fais une sélection, c'est vraiment en fait pour m'amuser. Hein. La sélection d'incroyables talents, donc je vais chanter et peindre en même temps. Voilà, la sélection d'incroyables talents, messieurs, dames, s'il vous plaît, quand même. Laetitia. Et par contre, je suis inscrite pour la sélection sur Paris. T'es inscrite sur la sélection sur Paris, toujours pour la France d'incroyables talents. T'es déjà passé à l'étape d'après finalement. Je pensais pas qu'on pouvait s'inscrire directement sur Paris, donc je les ai eu au téléphone. Donc là, sur Nancy, en fait, c'est une simple sélection pour aller sur Paris. D'accord. Donc, en fait, il y a moyen de passer l'étape voilà. d'après. Oui. Donc, et puis j'ai aussi j'ai fait aussi donc la sélection de N'oubliez pas les paroles donc que je refais dans 3 mois parce que j'ai oublié un mot. T'as oublié les paroles. Un seul mot. D'accord. Donc. J'ai été prise au dépourvu et en fait j'avais en plus les paroles sous les yeux mais. D'accord, n'oubliez pas les paroles qui est avec. C'était anciennement Nagui. Anciennement Nagui, maintenant c'est. C'est même plus. On ne sait plus le nom de l'animateur, bon, c'est pas grave. Donc, plusieurs émissions à venir, en tous les cas. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'est mercredi 29, que va se dérouler. Jeudi, que va se dérouler la sélection pour la France a un incroyable talent, la sélection en agglomération d'ancienne. Voilà, mais bon. Comment t'appréhendes ça Bon, niveau chanson, j'appréhende pas du tout, hein, parce que la chanson, je la connais. Hein. Je l'ai chantée et rechantée. Par contre, ce qui est très difficile, c'est de peindre et de chanter en même temps. Oui, c'est sûr. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, c'est assez compliqué, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Là, je veux faire un lion, hein, je me suis exercée, mais ça ne représente pas vraiment en fait, mes tableaux avec les détails, parce que bah, je n'ai pas le temps, hein, en 2 minutes. En 2 minutes, ouais, c'est extrêmement rapide ouais. en même temps. Ouais. Donc, j'ai même essayé de faire de l'abstrait dernièrement pour voir si je ne pouvais pas faire une chanson et peindre sur de l'abstrait, mais ça ne me représenterait pas. Mm-hmm. Donc, je vais quand même essayer ce fameux tableau. Hein. Après, ça donnera ce que ça donnera. Mais je pense que je vais amener quand même un tableau fini, un grand tableau que je fais pour montrer quand même ce que je fais dans la vie courante. Parce que je ne fais pas un tableau en 2 minutes. Ah, c'est sûr que celui qui est tes tableaux habituels, les faire en 2 minutes, c'est juste pas possible. Voilà. Quoi, donc, Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Pour moi, c'est un défi. Ouais. C'est de peindre et de chanter en même temps. D'accord. Et là, donc, à 3 jours de la sélection, toi, personnellement, intérieurement, comment tu te sens? Je ne sais pas encore. Si j'y vais. C'est un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Et t'hésites à y aller. J'ai surtout peur, en fait. Parce que moi, ce que je veux montrer, c'est mon travail par rapport à la peinture. Mmh. Et c'est vrai que j'ai peur du résultat. Parce que là, chez moi, en m'exerçant, je sais ce que ça va rendre. Mais devant le public, je ne sais pas. Le public en prime, ça met une pression inattendue. Voilà. Bon, après, en même temps, tu fais ça un petit peu pour le fun, quoi. Oui. C'est plus l'idée comme un défi. Puis un défi. Et puis, de toute façon, je n'attends rien non plus de cette émission. En fait, c'est juste pour me faire connaître dans mon milieu artistique. Mmh. Toujours pour développer de la notoriété. C'est vrai que petit à petit, tu fais quand même pas mal d'expositions. On va arriver bientôt à la deuxième partie. Hein. Tu vas nous parler plus de ta démarche artistique. Et c'est vrai qu'on te voit de plus en plus dans l'agglomération, mais pas uniquement que dans l'agglomération d'Ancienne. Dans les parcs aussi. Dans les parcs aussi, oui. Oui, j'ai vu que tu avais fait quelque chose là, au Parc Sainte-Marie il y a quelques jours, dimanche dernier, là où tu avais profité d'une belle journée. D'accord, donc le jeudi 29, donc il sera passé au moment où l'émission sera diffusée. Ça se déroule où, ça, la sélection? Saint-Sébastien. Au centre commercial Saint-Sébastien. Et il y a du monde qui regarde quand même Oui. Donc, voilà. Le Saint-Sébastien sera ouvert. Hein, donc, il est ouvert toute la journée. D'accord, ok. Bon, écoute. Au moment où on en est, moi, je croise les doigts pour toi, pour cet événement-là. Je te souhaite beaucoup de réussite. Puis surtout, que ça permette, puisque finalement, c'est ça l'objectif, à te faire connaître davantage pour ta passion artistique d'une manière générale. Mmh. Alors, pour l'instant, on va faire une première pause musicale. Oui. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. des doux que t'as semés. Déchiré sans juger, imperfection totale. Souffrir sans décider, libération totale. Laisse-moi te respirer, plonger loin de ce passé. Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. De retour dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet, toujours en compagnie de Laetitia Daffara, Laetitia dit peinture. Voilà, et donc dans cette seconde partie, on va aborder plus le sujet de ton art. Donc tu es une artiste, notamment des arts visuels, peintre, mm-hmm. Mais tu nous as dit que tu étais aussi chanteuse. Ouais. Alors, parle-nous un petit peu de ce que tu fais, ce qui t'anime, quelles sont tes thématiques, tes sujets, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, bon, déjà à la base, la peinture, j'ai commencé vers les années 2000. J'ai commencé par de l'africain. Mm-hmm. J'ai eu aucun cours, donc. Qu'est-ce que t'appelles africain? C'est un type de représentation. C'est des paysages africains, des femmes africaines. J'ai pas mal fait donc d'acrylique au départ avec, au couteau. Mm-hmm. Et puis, j'ai commencé à exposer, surtout dans des restaurants. Et puis, de là, j'ai commencé à faire des visages farfelus, hein, comme je dis. Donc avec un nez de travers ou un œil plus haut que l'autre. Et, est-ce que c'est par rapport à des inspirations que tu as ? Quelles sont les peintres qui t'inspirent, toi ? Bah, moi, le peintre qui m'inspirait, c'était plus Klimt. Donc c'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé à faire mes visages bizarres, on me disait que ça ressemblait un peu à du Picasso. Et chose que, pour moi, c'était pas vraiment voulu. Faut savoir qu'en fait, moi, je fais que de la création. Je vais commencer genre à faire un fond. Et je vais commencer par un œil et je sais même pas ce que je vais peindre. C'est-à-dire quand tu commences ton tableau, tu n'as pas une idée de ce qui va être à la fin. Des fois, j'ai des idées, mais le plus, c'est que je peins à l'instinct. C'est vraiment, oui, une peinture intuitive. Et donc, c'est sûr que quand je vais faire des couples... assez souvent, ça représente des relations, hein. Ça va être la relation amoureuse, la rupture, les relations toxiques, les relations passionnelles. C'est ce que tu as fait dans un second temps, après les sujets des paysages d'Afrique. Sinon, autrement, j'ai trouvé mon style, pour moi, mon style, il est très, très coloré. Et puis en fait, c'est souvent des personnages centraux avec des animaux. Donc si c'est pas un personnage, ça sera un instrument de musique. D'accord. Oui, on retrouve, on entend des bruits, c'est pas grave, c'est l'animation dans l'émission. Oui, on voit beaucoup, il y a souvent des perroquets ou des oiseaux. Voilà. Il y a beaucoup d'animaux ailés, en fait, Déjà, pour moi, tout ce qui est oiseau, ça signifie aussi la liberté. C'est par rapport à la liberté que tu représentes. Et puis autrement, les perroquets, parce qu'en fait, je suis fan de perroquets. D'accord. J'en ai déjà eu, puis j'ai eu pas mal aussi de perruches. Et je suis fan aussi de tout ce qui est Brésil, Mexique. D'accord, donc c'est une influence qui ressort beaucoup sur tes toiles, donc c'est pourquoi aussi c'est... La forêt tropicale, Amazonie, c'est tout ce qui vraiment qui m'intéresse. D'accord, et on retrouve beaucoup de couleurs justement qui rappellent un peu ces couleurs d'Amérique du Sud, quoi, finalement. Oui, et puis autrement aussi, pour moi, les couleurs, ça représente aussi la joie. La joie, oui. C'est ce que tu veux faire transparaître à travers... D'accord. Il y a aussi des lions aussi qu'on peut voir souvent dans tes œuvres. Des lions, des girafes. Des girafes, oui, des girafes un peu étonnantes d'ailleurs. Voilà, des girafes violettes. Des girafes violettes. En fait, j'aime bien faire... tout ce qui est interdit, toutes les choses qui ne sont pas dans les normes. Je suis quand même en fait quelqu'un d'assez rebelle. C'est bien pour ça que la peinture m'intéresse le plus, parce que parce que je fais aussi de la cuisine. J'adore cuisiner. Tout ce qui est couture, il y a des normes, des règles. Et je veux dire, en couture, si on respecte pas, on va avoir une épaule plus haute que l'autre. Et la cuisine, c'est pareil. Et la peinture, pour moi, non. Parce que la peinture, on fait une erreur, on peut toujours rectifier. Et en fait, on n'est pas obligé de faire un visage normal. On n'est pas obligé d'être dans la normalité. Et même les animaux, moi, je les fais à ma façon et à mes couleurs aussi. Donc, il y a un côté rebelle, un peu enfantin aussi. Enfantin, rebelle. Dans la liberté d'expression, je veux dire. Tu t'imposes pas de dire, tiens, ma girafe, si elle est violette, c'est pas grave, j'ai bien le droit de faire une girafe violette. Voilà. Ou qu'un animal soit un petit peu différent vraiment de ce qui peut être dans la réalité, ça, c'est pas gênant. C'est ta liberté d'expression en tant qu'artiste. Un instrument de musique, c'est pareil. Je vais faire un saxophone. C'est vrai que on va dire ah mais c'est pas comme ça, un saxophone il y a ci, il y a ça, mais moi je me le représente comme ça et on reconnaît que c'est un saxophone, voilà. Donc finalement c'est correct dans la représentation puisque tu peux rester au niveau de l'idée et après tu mets toi ce que tu as envie dedans quoi finalement. Voilà, et je pense que dans tous les dessins que je fais tableaux on me reconnaît à ma marque de fabrication. Il y a ce côté multicolore Afrique, art un peu naïf dans la modalité d'expression. Oui, puis souvent des personnes un peu ethniques quand même. Oui, c'est vrai, t'es aussi dans l'ethnie. Et puis, il y a une raison pour ça ou... Après, bon, non. J'ai des côtés méditerranéens, hein, je suis italienne. Faut le dire. J'ai été mariée aussi avec un Algérien, donc c'est vrai que tout ce qui est oriental aussi, ça se ressent beaucoup dans mes tableaux. C'est un peu ton univers culturel, personnel, voilà. Que tu retranscris aussi à travers tes œuvres. Et c'est vrai que dans les tableaux, ce qu'on voit, c'est ma vie. Enfin, il y a les voyages, il y a donc les personnages, les relations. La musique, donc ça me représente quand même. Après, le dessin qui soit farfelu, c'est aussi l'image que je donne en fait. Tu es quelqu'un de farfelu. Assez farfelu, assez clown. un peu clown. Voilà. D'accord. C'est vrai que depuis toute petite, je faisais rire tout le monde à l'école. On m'a souvent dit que j'aurais pu faire du théâtre. Et en fait, c'est vrai que c'est la seule spécialité que j'ai encore pas testée. Tu t'es pas encore aventuré, mais peut-être que c'est quelque chose que tu feras par la suite. On ne sait pas finalement. Voilà. Alors, au niveau de tes œuvres, est-ce que tu as des expositions en cours ou à venir qui sont prévues prochainement ? Alors, prévues sur Tomblaine, mairie de Tomblaine. Donc, ça serait quand ça ? Fin d'année. Fin d'année à la mairie de Tomblaine. J'ai aussi, Automne des Arts, comme chaque année, pareil. Toujours à Tomblaine. Tomblaine. J'ai postulé autrement dans pas mal de mairies, donc j'attends des réponses. Dès qu'il fait beau, je vous propose de me rejoindre. Je vais dans tous les parcs. Tu vas dans tous les parcs. Alors c'est vrai, j'étais surpris de t'apercevoir au parc Sainte-Marie dimanche dernier, là, il y a 8-10 jours. Hein, c'est vrai qu'on a une belle après-midi ensoleillée. Et qui est-ce qu'on pouvait voir autour d'une table ? Letidé, en train de peindre une de ses œuvres tranquillement. Alors comment ça se passe ? Comment tu organises ça ? Alors, je prends mon petit caddie à roulettes, je prépare ma petite peinture et je prends une toile et surtout mon enceinte pour écouter de la musique. Est-ce que tu écoutes de la musique bien en même à temps, fond. Et alors, il y a des gens qui s'arrêtent, comment ça se passe quand c'est comme ça ? Ouais, les gens s'arrêtent, il y a aussi pas mal d'enfants qui vont regarder comment je fais, et puis je mets aussi des petites cartes. Ça, tu trouves que c'est un moyen pour qui t'aide à te faire connaître aussi ? Oui, parce que moi je pense que, en tant que... Que ce soit n'importe quel artiste, il faut aussi aller dans la rue. Il faut voir le monde. Hein, parce que ils ont besoin aussi de contact et de voir aussi comment que la personne s'y prend pour faire un tableau. C'est pour la peinture, mais pour n'importe quel artiste, c'est bien de rencontrer aussi l'artiste ailleurs que en visuel, fait, dans les réseaux sociaux et tout ça. Bon, après, j'ai pas mal aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'ai pas mal de monde dû à tous les groupes de peinture. Et j'ai aussi par rapport au fan club de Jeanne Masse. D'accord, alors le fan club de Jeanne Masse, on va arriver tout doucement à la conclusion de l'émission, Laetitia. Qu'est-ce que c'est le fan club de Jeanne Masse ? Bah, en fait, on y poste pas mal de photos et de vidéos. Et puis, bon, bah, moi, j'ai fait un petit réel avec le tableau que j'ai offert à Jeanne Masse. C'était quand, ça, que t'as offert? Au mois de mars. Au mois de mars, voilà, il y a 3 mois. Donc, voilà. Donc, Jeanne Masse a donné un concert dans l'agglomération d'Ancienne, c'est ça? Oui. Et toi, t'es allée à sa rencontre lui offrir un tableau? Oui. Donc, en fait, le tableau que je lui ai offert, pour moi, ça la représente. Et puis, dans son nouvel album, je ne savais pas qu'elle était inspirée aussi, elle, par Klimt. Ah oui? Et c'est vrai qu'elle a fait un album avec un décor de Klimt. Et sans le faire exprès, le tableau que j'ai fait la représente. Et c'est vrai que le décor, ça faisait un peu penser aussi à son album. D'accord. Elle, ça lui apparaît. Puis t'as appris quelque chose aussi à propos de ce réel qui avait été fait du moment où tu lui as donné ce tableau? Ah il a été mis sur le site de leur le site de Jeanne Masse. Et c'est vrai que elle, quand elle avait vu le tableau, ça l'avait touché. Ça l'avait touché, d'accord, ouais, super. Donc tu restes en contact avec elle potentiellement, avec Jeanne Masse ou... Là, elle est repartie en Amérique. Et puis moi, j'ai été donc à 2 concerts. Mmh. On attend avec impatience qu'elle revienne refaire des concerts. D'accord. Et pour finir, Laetitia, toi, au niveau de tes œuvres, donc on a compris en même temps donc, que tu étais fan de Jeanne Masse, hein, puis c'est la chanson qui anime aussi cette interview avec toi. Donc les prochaines expositions plutôt sur ton blend, à partir de la fin d'année, on pourra trouver Automne des Arts et en perso sur la mairie de ton blend. Sur Internet, on peut trouver tes œuvres, on peut les voir comment? Sur Facebook. T'as une page Facebook, elle s'appelle comment? La Laetitia Peinture. D'accord. Et autrement, j'ai un site internet de vente en ligne, donc laetidépeinture.com. Laetitia, ça s'écrit comment? L-E-T-Y. T-Y. D-peinture.com. D'accord, Peinture, tout attaché. Voilà. .com. Et là, on voit ton site internet, en fait. Voilà. Sinon, page Facebook, Laletie, L-A-L-E-T-Y. L-A-L-E-T-Y. Et plus loin, peinture. Et là, on retrouve aussi tes offres sur ta page Facebook, qui reste un moyen, on peut te contacter aussi par ce canal-là. Voilà. Et puis sinon, dès qu'il fait beau, je suis souvent aussi dans les parcs. Et on peut te retrouver dans les parcs. Prochain parc que tu vas arpenter bientôt? Je vais essayer aussi Vendeuvre et puis le parc Olry. D'accord. Après, peut-être aussi la forêt de Haye. Enfin, pas mal aussi la nature. Tout est possible. Voilà. Le mot de la fin? Merci Romain. Merci à toi Laetitia et à très bientôt, peut-être au détour d'une balade dans un parc, on ne sait jamais. Merci encore Laetitia, à bientôt. À bientôt.